Unité 3. Lieu. Leçon 5. Situation. Situation 1 à l'office de tourisme. Activité 1, page 64. Écoutez l'enregistrement. Dites si c'est vrai ou faux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous voudrions un plan de Bordeaux et aussi des informations sur la ville. Mais oui. Alors, voilà le plan. Nous sommes place de la Comédie et le centre historique est tout près, là, tout autour. Vous venez d'arriver ou vous connaissez un peu la ville ? Nous venons d'arriver et nous allons rester un jour seulement. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir ? Eh bien, le Grand Théâtre, juste derrière vous. La cathédrale, là. Un peu plus loin, le Palais Rohan, le quartier Saint-Pierre, la basilique Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel. C'est cette tour, là, près du fleuve. Les quais. On peut monter au sommet de la tour pour voir la ville ? Ah, bien sûr. Il y a 5 étages et pas d'ascenseur. Mais en haut, on peut admirer un panorama magnifique. Je voudrais savoir aussi où sont les rues commerçantes. Ah oui, c'est vrai. Nous voulons acheter des disques. Alors, vous prenez là, hein, tout de suite à gauche, puis vous tournez à droite. Vous allez voir la poste. Continuez tout droit et à 2 minutes environ, vous avez la zone piétonne et un excellent magasin de disques. Et pour sortir ce soir ? Ah, pas de problème. Il y a beaucoup de cafés, de restaurants, de cinémas, des boîtes. Tenez, voilà un dépliant Bordeaux la nuit. Ah, très bien. Merci beaucoup. Vous avez une liste des auberges de jeunesse ? Oh, je viens de donner la dernière. Tant pis. Eh bien, au revoir. Au revoir et bon séjour.